إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du sharh de Umdatul Ahkam de Sheikh Al-Bassam qui s'intitule Taysir Al-Allam. Et on est arrivé au hadith numéro 5 dans les hadiths du chapitre de Kitab al-Tahara. Kitab al-Tahara. Le hadith numéro 5 c'est le suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه رواه البخاري ومسلم ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جنب. Donc le hadith numéro 5 c'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous n'urine pas dans l'eau qui est stagnante qui ne coule pas puis ensuite qu'il aille se laver dans cette eau que l'un d'entre vous n'urine pas dans de l'eau qui est stagnante c'est-à-dire qui ne coule pas et ensuite qu'il aille se laver dedans, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas ça. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, il y a et que l'un d'entre vous ne se lave pas dans de l'eau stagnante alors qu'il est junub, c'est-à-dire qu'il est en état d'une impureté majeure causée par le fait qu'il ait eu des rapports intimes avec son épouse. Parmi les termes qui sont mentionnés dans ce hadith, la yaboulanna. Le hadith commence par la yaboulanna. La, c'est la annahiya. Ça veut dire l'interdiction. Ok. Annahyu, ça veut dire l'interdiction. Naha, yanha. Annahyu, on le retrouve dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, je te l'ai dit, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ النَّهْيُ, ça veut dire quoi? الْأَمْرُ, ça veut dire l'ordre, ordonné. الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ, l'ordonnance du bien. وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ, et l'interdiction du mal. النَّهْيُ, vous l'avez certain, vous l'avez entendu. لَا النَّهْيَ, c'est l'interdiction. Bon, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner, mais l'important c'est de comprendre dans le hadith ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yaboulanna. Le verbe qui est employé c'est bala yaboulou. Bala yaboulou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire uriner. Ok. Alladhi la yajri. Alladhi la yajri. تفسير للدائم. Donc الماء الدائم, c'est الدائم, ça veut dire qui bouge pas, qui est immobile, qui circule pas, donc qui est stagnante. L'eau qui est stagnée, elle bouge pas, et reste sur place. Comme une mare d'eau, hein, elle ne coule pas, donc c'est de l'eau stagnante. Alladhi la yajri, le cheikh dit, c'est l'explication du mot da'im. C'est-à-dire, al-mustaqirru fi makanihi kal-ghudran, hein, fil-bariya, ou al-mawarid. C'est comme, yani, c'est de l'eau qui est sur place. Comme par exemple un étang ou une marée, une petite marée d'eau ou des choses comme ça. Cette eau-là, elle ne circule pas. C'est pas comme une rivière ou un cours d'eau, un ruisseau ou quelque chose comme ça. Non. Il dit ensuite, « ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » Après, le cheikh, il dit, المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit d'uriner dans l'eau qui est stagnante, qui ne coule pas, comme dans les réservoirs, l'eau qui est dans les grands réservoirs, ou qui est dans les les mares d'eau, hein, ou bien les étangs, ou bien les endroits où les gens viennent chercher de l'eau pour s'abreuver, pour pas qu'ils commencent à aller salir cette eau-là, polluer cette eau-là, puis faire en sorte que les gens trouvent cette eau par la suite dégoûtante, puis qu'ils ne veulent plus l'utiliser. Parce que s'ils jettent des choses sales dedans, ou s'ils urinent dedans, ou des choses comme ça, eh bien, ça fait en sorte que par la suite se développent des maladies dans l'eau, quand elle est sale, quand elle devient sale. Ça donne des maladies qui se propagent par la suite et qui sont vraiment dangereuses. Comme naha an al-ightisal bi ghams al-jism aw ba'dihi fi al-ma' alladhi la yajri hatta la yukarrihuhu wa yuwabbihuhu 'ala ghayrihi bal yatanawalu minhu tanawulan wa idha kana al-mughtasil junuban fa an-nahyu ashad. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit donc dans ce hadith de nous laver en nous immergeant complètement dans cette eau-là, tout le corps ou une partie du corps, quand c'est de l'eau qui est stagnante, pour pas justement faire en sorte que l'eau devienne dégoûtante pour les autres, hein, ils la trouvent sale à cause de ça. Donc qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut prendre de l'eau pour se laver? Il prend de l'eau dans un contenant, ou avec sa main, ou avec un contenant, il la verse dans un autre contenant, puis il se lave à côté. Mais il ne se lave pas directement dans l'eau stagnante elle-même. Et c'est ça. Puis si la personne qui veut s'immerger dans l'eau ou se rentrer dans l'eau pour se laver, elle est en état d'impureté majeure, c'est encore plus strict dans l'interdiction, parce que dans ce cas-là il y a de l'impureté majeure sur lui. فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير. Donc le cheikh il dit, par contre, si l'eau est pas stagnante, c'est-à-dire c'est de l'eau qui coule, c'est de l'eau qui bouge, hein, alors dans ce cas-là, si elle coule, cette eau-là, il n'y a pas de problème de se laver dedans et même d'uriner dedans dans ce cas-là. Mais le mieux, c'est de ne pas uriner dedans, ou d'éviter d'uriner dedans, parce qu'il n'y a aucun bienfait dans le fait d'uriner dans l'eau. Et également, on craint que ça salisse l'eau et que ça puisse nuire aux autres aussi. Donc ça, c'est ce qui a été rapporté par rapport à ce hadith. Na'am. Des fois, on va dire, par exemple, au lieu de dire al-ma al-da'im, on va dire aussi al-ma al-ra'kid. Ra'kid. Et ra'kid et da'im, c'est la même signification. C'est des synonymes. Ouais. Donc, on peut dire, par exemple, al-ma al-da'im, ou bien al-ma al-ra'kid. Maintenant, qu'est-ce que les ulama ont dit à propos de ce hadith-là? Les ulama ont divergé sur ce hadith. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهية. Donc la première divergence, qu'est-ce qui a été mentionné entre les ulama sur ce hadith, c'est est-ce que c'est une interdiction dans le sens de pour dire que c'est haram ou que c'est détestable, makruh. Est-ce que c'est haram ou makruh de se laver dans l'eau qui est stagnante ou d'uriner dans l'eau qui est stagnante? Il y a différentes positions. ذهب المالكية إلى أنه مكروه وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل ومكروه في الكثير وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. أي نعم. Donc les ulama du madhhab maliki, ils ont dit que c'est quelque chose qui est détestable, c'est pas interdit. Et les ulama des hanabila et des zahiriya, ils ont dit que c'est dans le sens de qu'est-ce qui est haram, interdit complètement. Et certains ulama ont dit que si c'est un peu d'eau, c'est haram, et si c'est beaucoup d'eau, c'est détestable. D'accord? Ils ont dit que si c'est un peu d'eau, c'est haram, si c'est beaucoup d'eau, c'est détestable. Parce que, bien entendu, plus qu'il y a d'eau, eh bien, plus que c'est difficile de faire en sorte que cette eau-là va changer de son état naturel. Il y a des hadiths qui mentionnent ça, que yani, lorsque l'eau atteint une certaine quantité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-qullatan, idha balagha al-ma al-qullatan, yani fala yanjus. Une fois que l'eau a atteint telle quantité, elle ne peut plus devenir impure. Hein? Comme l'eau de la mer. Peu importe qu'est-ce que tu vas vider dans l'eau de la mer, il va rester toujours pur, parce qu'il y en a, beaucoup. Ensuite, le cheikh, il dit que qu'est-ce qui est apparent, c'est que c'est interdit. Peu importe que ce soit peu d'eau ou beaucoup. C'est ça qui dit, c'est ça qui est plus clair. Rajih. Il dit, وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَا الَّذِي بِيلَ فِيهِ هل هو باق على طهوريته أو تنجس فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس. Okay. Et après il dit وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها. Donc la deuxième divergence qui a été mentionnée, c'est si l'eau, on a uriné dedans, est-ce qu'elle reste dans son état de purification ou bien elle devient impure? Est-ce que l'eau, si on a uriné dedans, est-ce que cette eau-là reste purifiante ou bien elle devient impure? Alors le cheikh il dit, si elle est, cette eau-là, elle a été changée dans son état par cette impureté, alors il dit qu'il y a un consensus qui a été établi sur le fait qu'elle devient impure, cette eau. Peu importe qu'il y ait beaucoup, peu importe qu'il y ait peu ou beaucoup d'eau. Et quand on parle du changement, souvent les ulama ils disent fi lawnihi wa rihihi wa ta'mihi, c'est-à-dire son odeur, sa couleur et son goût. Si une de ces trois caractéristiques-là a changé par l'impureté qui a été mise dedans, alors dans ce cas-là, elle devient impure si elle a été mélangée avec une impureté, peu importe que ce soit beaucoup d'eau ou peu d'eau. Le cheikh dit peu importe la quantité d'eau. Si on y mélange de l'impureté et que cette eau-là change, alors dans ce cas-là, elle devient impure. Ça, c'est, il y a l'ijma dit à ce sujet-là. Mais si l'eau, elle n'a pas été changée par l'impureté et qu'elle est en grande quantité, cette eau-là, alors le consensus à ce sujet-là, c'est que l'eau reste pure. C'est-à-dire que si l'eau, elle n'a pas été changée par l'impureté et qu'elle est en grande quantité, alors le consensus s'est établi sur le fait qu'elle reste pure. D'accord? Donc si elle change, elle devient impure. Si elle est mélangée à une impureté, elle change, elle devient impure. Si elle est mélangée à une impureté, mais elle ne change pas, alors qu'elle est en grande quantité, alors, yani, elle reste pure. D'accord? Et les quantités qui sont mentionnées dans les livres, par les ulama, c'est différentes mesures parfois. Mais étant donné qu'on a expliqué que des fois c'est relatif, les quantités c'est quelque chose de relatif. Donc, l'important c'est de se concentrer sur la règle. Est-ce que ça a changé ou non? C'est ça le plus important. Toutefois, il y a des ulama, comme par exemple, comme il dit, wa in kana qalilan ghayr mutaghayyirun bin najasa, si l'eau elle est peu, il y en a pas beaucoup, mais qu'elle a été affectée ou changée dans son état par l'impureté qui est dedans. Il y a des ulama comme Abu Huraira, Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Al-Musayyib, Al-Thawri, Daoud, Malik et Al-Bukhari, eux ils considèrent que yani, elle ne devient pas impure. C'est-à-dire, du moment qu'elle n'est pas changée, même si c'est peu d'eau, elle ne devient pas impure. Et Al-Bukhari, il a rapporté à ce sujet-là yani, de nombreux hadiths, plusieurs hadiths, pour répondre ou réfuter à celui qui dit qu'elle devient impure, cette eau-là. Hein? Donc, la question, ce n'est pas la quantité vraiment. L'important, c'est est-ce que ça a changé dans son goût, dans son odeur ou dans son goût, dans sa couleur et dans son odeur. Wa dhahaba Ibn Umar wa Mujahid, donc Ibn Umar, Mujahid et les ulama du madhhab Hanafi et Shafi'i et Hanbali, eux leur position c'est que l'eau devient impure au moment où elle entre en contact avec une impureté, même si elle ne change pas, tant qu'elle est, du moment qu'elle est peu, c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup d'eau, si une petite quantité d'eau entre en contact avec une impureté, eux ils disent que elle devient impure si elle touche à une impureté, et ils se basent sur ce hadith qu'on a cité. Hein? Ils se basent sur le hadith qu'on a cité dans ce chapitre, c'est-à-dire de pas uriner dans l'eau stagnante, puis le fait de يعني de pas se laver dans l'eau qui est stagnante alors que on est junub. Il dit واستدل الاولون بادله كثيره. Et là, il dit وكلها يمكن ردها. Donc ils se sont basés sur des preuves pour dire que si l'eau est en petite quantité que elle entre en contact avec une impureté, elle devient impure. Même si elle n'a pas changé dans son état, dans son goût, dans son odeur ou dans sa couleur. Et il rapporte des adillah, des preuves. Parmi les preuves, c'est le hadith qui est mentionné dans ce chapitre, le hadith numéro 5. Le hadith numéro 5. Et il dit, il est possible de réfuter chacun de ces dalils qu'il ramène. Il est possible de réfuter chacun des dalils qu'ils ont ramenés. Les premiers, ceux qu'on a mentionnés, la première position, ils ont ramené comme preuve, plusieurs preuves pour supporter leur point, que l'eau, du moment qu'elle ne change pas, elle reste pure. Peu importe qu'elle soit en grande quantité ou en petite quantité. La preuve qu'ils ont ramenée, voici quelques-unes. Istadalla al-awwaluna bi adillatin kathira. Ça, c'est les preuves de la première position qu'on a mentionnée, de ceux qui disent, peu importe qu'elle soit en grande quantité ou en petite quantité, si l'eau n'a pas changé dans son état, elle reste pure. Et les hadiths qu'ils ont mentionnés à ce sujet-là, c'est les hadiths suivants. « Ma rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Hassanahu al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay » C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, il l'a déclaré Hassan, qui dit que l'eau est pure et rien ne le rend impur. Il n'y a rien qui rend l'eau najis. Donc, ça, c'est pas spécifié. Dans le hadith, c'est pas spécifié qu'est-ce que c'est la quantité ici. C'est juste mentionné de façon générale que l'eau, elle est pure, elle est purifiante et pure, et que rien ne la rend impure. La yunajisuhu shay. وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه. Et ils ont répondu au hadith qui est mentionné dans le chapitre, le hadith qui dit n'urinez pas dans l'eau stagnante, ou bien l'autre hadith qui dit ne vous lavez pas dans l'eau stagnante alors que vous êtes junub. Ils ont dit que ce hadith là c'est pas pour l'interdiction, c'est en réalité pour parce que c'est quelque chose qui est détestable que quelqu'un fasse ça dans l'eau où les gens viennent s'abreuver ou bien viennent prendre de l'eau. Donc pour que les gens s'écartent de faire ce genre d'action là. والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل أو كثرة. Donc le cheikh il dit ça c'est la position qui est rajih, c'est la première position, c'est la position de ceux parmi les ulama qui ont dit que l'eau elle reste toujours pure et qu'elle ne deviendra jamais impure tant qu'elle n'a pas changé dans son état, soit dans son odeur, dans sa couleur, ou dans son goût, peu importe que l'eau soit en grande ou en petite quantité, ça c'est pas important. وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. Et cette position, c'est la position d'Ibn Taymiyyah aussi. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا. C'est-à-dire, on sait maintenant, par rapport à qu'est-ce qu'on a lu et entendu, que la position qui est correcte et plus proche de la vérité dans cette question, c'est que l'eau qu'on s'est lavé avec lorsqu'on était en état d'impureté majeure après avoir eu des rapports intimes, que cette eau-là, elle reste purifiante, même si elle est en petite quantité. Contrairement à ce qui est célèbre et qu'est-ce qui est connu de notre madhab, c'est-à-dire le madhab Hanbali et le madhab Shafi'i, qui prétend que l'eau de laquelle tu t'es lavé d'une impureté majeure perd sa purification, son état, ou perd sa qualité d'eau purifiante. Quand elle est en petite quantité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eux, ils pensent, ou ils disent que, on va dire que, tu as un plat d'eau, ok? Puis, tu es en état d'impureté majeure. Tu fais ton roussel avec cette eau. Mais quand tu fais le roussel avec l'eau, il y a de l'eau qui était sur ton corps qui va tomber dedans. Eux, ils disent que l'eau qui était sur ton corps, qui est retombée dans l'eau, cette eau-là, ils disent, elle est plus purifiante. Parce qu'elle était sur toi, puis tu étais junoub. Donc, ils considéreraient que l'eau qui a été utilisée pour faire le roussel une première fois ne peut pas être utilisée pour une autre personne qui va faire le roussel avec une deuxième fois. Et pourquoi? Parce qu'elle a été utilisée par quelqu'un qui était junoub la première fois. Or, le cheikh, il dit que la position correcte à ce sujet-là, contrairement au Hanbali et au Shafi'i, c'est qu'elle est quand même pure et que tu peux quand même l'utiliser. D'accord? Ça, c'est des divergences qui existent entre les madahib que vous allez entendre souvent. Après, le cheikh, il dit, « Ma yukhazu min al-hadith » Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces hadiths-là? النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه وأولى بالتحريم التغوط سواء كان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. Non. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, l'interdiction d'uriner dans de l'eau stagnante, hein, qui ne coule pas ou qui ne circule pas, et que ça c'est interdit. Et encore plus interdit, c'est de faire nos besoins dans cette eau-là. Hein? C'est encore pire. Si on n'a pas le droit d'uriner, faire nos besoins, c'est encore pire. Peu importe que ce soit une grande quantité d'eau ou une petite quantité. Il dit, excepté l'eau qui est al-miyah al-mustabhara. Al-miyah al-mustabhara, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il parle des mers souterraines ou est-ce qu'il parle des grandes étendues d'eau? Allahu a'lam. Parce que si c'est les grandes quantités d'eau, des grandes étendues d'eau, et c'est sûr que même si tu jettes des impuretés dans l'eau, ça va pas la rendre impure. Et que les gens utilisent cette eau-là pour d'autres choses que la purification. Après, le cheikh, il dit, النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنوب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم والمشروع أن يتناول منه تناولا. Donc, le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est l'interdiction de se laver dans de l'eau stagnante en s'immergeant dedans, hein, ou en rentrant dans l'eau. En particulier si on est dans une impureté majeure après avoir eu des rapports intimes, parce que, il dit, même si tu n'as pas uriné dans l'eau. Et dans une autre, ça c'est clarifié dans une narration de l'imam Muslim. Comme on l'a lu, la narration de l'imam Muslim, elle dit, yani de ne pas te laver dans l'eau qui est stagnante alors que tu es junoub. Donc ça veut dire que même si tu n'urines pas dedans, tu ne dois pas te laver dedans. Et qu'est-ce qui est légiféré? C'est plutôt de prendre de l'eau, de la mettre dans un contenant ou de mettre à côté, puis de te laver avec en dehors de l'eau, non pas dans l'eau elle-même. Le point numéro 3, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Jawazu zalika fil ma'al jari wal ahsan ijtinabuhu. Qu'est-ce qui est le point numéro 3, c'est que si c'est de l'eau qui n'est pas stagnante, c'est-à-dire de l'eau qui circule, dans ce cas-là c'est permis. Mais le mieux, c'est de s'en écarter, de ne pas le faire. Le point numéro 4, النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. C'est-à-dire l'interdiction de toute chose qui peut causer de une offense ou du tort aux gens, ou bien qui cause une forme de transgression contre les autres. Donc ça c'est l'exemple. Et il y a les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اتقوا اللعنين اتقوا اللعنين. Tu connais le hadith اتقوا اللعنين. C'est le hadith qui dit prenez garde aux deux choses qui sont maudissantes. C'est-à-dire deux choses que si tu les fais, tu vas obtenir la malédiction des gens. Les gens vont te maudire si tu les fais. Les deux choses qui causent ou qui font en sorte que les gens te maudissent. Et le prophète a dit, ce sont les gens, ou ce sont les gens qui urinent et qui font leurs besoins dans les ombres des gens, les endroits où les gens s'assoient à l'ombre ou sur leur chemin. Donc les gens, ils s'assoient à l'ombre quelque part pour se détendre et ils trouvent des excréments ou de l'urine à cet endroit-là, alors ils maudissent la personne qui a fait ça, hein? Et donc à cause de toi, à cause de ça, tu te fais maudire. Le prophète m'a dit prenez garde au la'anain, c'est-à-dire aux deux choses qui vont faire que les gens vont vous maudire, hein? Et donc de ne pas faire tes besoins dans les endroits où les gens passent, où les gens s'assoient, où les gens aiment aller se reposer ou se détendre, ou des choses comme ça. Donc si c'est ça pour les chemins ou les endroits où on s'assoit, que dire de l'endroit où on va se laver, ou les endroits où on boit de l'eau, les endroits où on ne veut pas trouver des impuretés ou des saletés à cet endroit-là non plus. نعم إلى وجاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه ومعنياهما مختلفان إذ إن في ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الرواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط ورواية منه بعكس ذلك. Donc il y a une divergence entre les différentes versions. Il y a une version qui mentionne Yartasilu Minhu et une autre qui dit Yartasilu Fihi. Et le cheikh explique chaque version, qu'est-ce qu'elle signifie. Hein? Une signifie de se laver dedans, dans le sens de s'immerger, et l'autre Minhu, c'est-à-dire de prendre de cette eau-là pour se laver ailleurs. Et ainsi de suite. Donc ça c'est des petits détails, c'est pas très important pour nous maintenant. Le cheikh, il explique ensuite le hadith suivant, c'est le hadith numéro 6. أي نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. رواه البخاري ومسلم. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعفروه الثامنة بالتراب. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. On va traduire ces deux versions du hadith pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. C'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le chien de l'un d'entre vous lorsque le chien boit dans le contenant de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois. C'est-à-dire qu'il lave le contenant sept fois. Et dans la version de Muslim, la première de ces sept fois avec de la terre. Donc la première avec de la terre. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version du hadith de Abdullah ibn Mughaffal, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le chien lave dans le contenant de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois, et la huitième fois avec de la terre. Dans le deuxième version du hadith, le terme, wa alaykum salam wa rahmatullah, le terme qui est employé, c'est pas le même que dans le premier. Dans le deuxième hadith, c'est walara, walara. Et dans le premier, c'est shariba. Donc, iza shariba, c'est dans le premier, c'est-à-dire boire. Et puis dans le deuxième, iza walara. Walara, yani, qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai dit lapé, parce que lapé, c'est quelque chose qu'on fait avec la langue. Hein? Donc, le cheikh dit iza walara, wa mudari'uhu yalaru. Walara yalaru, bil fath. وفيهما شرب بطرف لسانه أي نعم وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب فالشرب أخص من الولوغ. Donc le cheikh il dit que الولوغ, le verbe walara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chien, il boit en mettant le bout de sa langue dans l'eau. Il boit en mettant sa langue dans l'eau. Et il entre sa langue dans l'eau ou dans n'importe quel liquide. Oui, comme les chats, ils font ça. Mais les chiens, c'est particulier. Les chats, c'est pur. Hein? Les chats, c'est pur. Mais les chiens, c'est impur. Donc la salive du chien, c'est impur. Donc, le cheikh, il dit que du moment que le chien rentre sa langue dans le liquide et qu'il agite sa langue dedans, même s'il n'a pas bu, donc on appelle ça walara. On dit que c'est al-wulur. Et il dit que boire, c'est plus spécifique que al-wulur. Parce que le chien peut mettre sa langue dans l'eau par exemple et boire, et il peut juste mettre sa langue dans l'eau et l'agiter, puis il boit pas, c'est juste laper l'eau seulement. En tout cas, affiru at-ta'fir, ça veut dire at-tamrir fil-ufr wa huwa at-turab. عفروه بالتراب التمريغ في العفر وهو التراب. Donc afiruhu, ça veut dire mettez-le dans la poussière, hein? Mettez-le dans la poussière. Oulahunna, ça c'est la première. Ta'nithul awwal. Alha damirun lil marrat. Oulahunna. Et il dit waja'a fi ba'd ar-riwayat oulahunna bil lafz al mudhakkar. لأن التأنيث تأنيث المرة غير حقيقي. أوكي. دونك سي سا. المعنى الإجمالي للحديث. كيسك سا سينيفي سا حديث دو فاسون جينيرال؟ سي كو إل دي لو شيخ إذا كان لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مسحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من جناس من نجاسته وضراره. Donc il dit que étant donné que les chiens font partie des animaux qui sont يعني détestables. Dans le sens que c'est des animaux sales. On n'aime pas tellement les garder parce qu'elles ont plein de saleté avec eux puis de maladies. Contrairement aux koufars qui eux adorent les chiens, hein, ils vont même traiter leurs chiens mieux que les êtres humains parfois. Puis malheureusement on voit que certains musulmans ils ont imité les koufars dans ça. Et que maintenant ils prennent des chiens. Alors que dans l'islam, c'est pas permis pour les musulmans de posséder un chien comme animal de compagnie. Les seules raisons qui font qu'un musulman a le droit de posséder un chien, c'est le chien de chasse, le chien de berger ou le chien de garde. C'est les trois raisons que tu peux avoir un chien, mais en dehors de ces trois raisons-là, c'est pas permis. Le chien de berger, il s'occupe des troupeaux. De moutons. Non. Tu vois, il y a des chiens spéciaux qui sont habitués à faire ça. Non. Ils gardent bien les troupeaux. Je crois pas. Allahu alam. Chaque. Oui. Non, c'est ça. Oui, c'est. Ouais, ouais, c'est ça. Ils sont plus forts. Ouais, ils sont forts. Sahih. Donc, c'est pour ça. Comme. Ouais. Même les chiens de garde, hein. Les chiens de garde, on met pas n'importe quel chien de garde. Ils vont mettre des chiens vraiment agressifs, là, les chiens qui font peur. Pour que les. Eh, là. Ouais, les pitbulls, les Rottweilers, ou bien les Doberman, tu vois, les Bulldogs, des chiens comme ça, là. Ça, c'est des chiens qui sont là, ils font peur, ils sont gros, puis quand tu les vois, t'as pas envie d'aller jouer avec. Non. Donc les gens, ils mettent ces chiens-là souvent pour protéger leur propriété ou leur commerce ou leur maison. S'ils ont des terrains, ils ont des grands terrains. Naam. Et quoi d'autre? Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des compagnons, des chiens de compagnie. Il y en a qui ont des petits appartements en ville, là, dans les villes. Ils ont des petits appartements et puis ils ont le chien à l'intérieur. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien ou des images. Hein? Et que la personne qui a un chien, chaque jour qu'elle garde son chien dans sa maison, ou qu'elle garde le chien pour autre que les trois raisons qu'on a mentionnées, elle perd deux montagnes de bonnes œuvres. Qiratan. Qiratan min al-hasanat. Donc elle perd la quantité de deux montagnes de hasanat tous les jours tant qu'elle garde son chien dans la maison ou bien qu'elle le garde yani, pour autre que les raisons qu'on a mentionnées de façon générale. Donc ça c'est très dangereux, c'est très grave. Mais supposons que yani, un chien vient puis veut manger dans ton contenant ou boire dans ton contenant. Toi tu veux pas le jeter, tu veux pas laisser ce contenant là, parce que le chien est dit. Dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré de nettoyer ce contenant-là, dans lequel le chien a mangé et il a mis sa langue dedans. On doit le laver 7 fois, et la première fois avec de la terre. Hein? Et ensuite, tu mets de l'eau pour nettoyer, pour enlever les saletés hein, de la terre qui sont dedans, qui a été dedans. Et donc, il devient propre. Hein, et tout ce qui est néfaste ou mauvais est parti. Ouais, c'est ça. Tu veux dire les lave-vaisselle là? Non, les lave-vaisselle ça suffit pas. Je parle moi des contenants là, des plats ou des pots. Hein, non, non. Si le chien il vient manger, il vient lécher ton vêtement. Il met sa salive sur toi, sur ta jambe, sur ton vêtement. T'as pas besoin de laver 7 fois. Et t'as pas besoin de mettre de la terre. Juste, tu vas laver comme tu laves normal, tes vêtements, comme d'habitude. Tu mets dans la machine à laver, hein, et puis ça lave, et puis c'est fini. Bah, si tu veux, si c'est juste une petite tache, puis que tu la vois, tu mets de l'eau, puis tu l'essuies avec de l'eau, puis c'est fini. Avec leurs dents. Ou avec leur nez. C'est ça. Tu mets un peu d'eau. Tu mets de l'eau sur ton vêtement. Puis tu le suis comme il faut. Et puis c'est correct. Mais sinon, tu peux le mettre dans le lavage. Et puis ça y est. C'est fini. Non. Ouais, ouais. C'est parce qu'il y en a qui pensent que. Non, c'est ça. Il y en a qui pensent qu'il faut que tu laves avec de la terre. En plus, tu vois. Mais c'est pas nécessaire. La terre, c'est seulement si c'est un contenant. Parce que le hadith est spécifique sur la question, ce que c'est sur à propos des contenants seulement. OK? Ikhtilaf al-ulama. OK. C'est ça. Est-ce qu'il y a une divergence entre les ulama sur cette question? هناك خلافات للعلماء في أشياء منها هل يجب التسبيع أو الترتيب والترتيب هل يجب التسبيع والترتيب ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. Donc il dit, il y a la divergence, est-ce que c'est obligatoire de le faire 7 fois et de le faire en ordre? Et il dit, la position qui est vraie et claire à propos de cette question-là, elle est mentionnée clairement dans le hadith authentique. Donc on a préféré de pas mentionner cette divergence-là, puisque elle n'est pas basée sur des preuves authentiques claires. Donc, alhamdulillah. Donc, pas de divergence. ما يؤخذ من الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. Donc, la sévérité, hein, le fait qu'on doit considérer que l'impureté du chien, elle est une impureté sévère à cause de la sévérité de sa saleté. Et il dit c'est pour ça que il rend le contenant impur. Même si on n'y trouve pas en apparence aucune trace d'impureté visible. Et ça c'est-à-dire, on va l'expliquer bien. Il a dit, on va l'expliquer bientôt, inshallah. Après, il dit, inna wulur al-kalb fi ina'in wa mithluhu al-akl ينجس الإناء وينجس ما فضل منه. Donc il dit que le fait que le chien il mette sa langue dans le contenant ou bien il mange dedans, ça rend le contenant impur. Et il rend impur ce qui est resté comme nourriture dedans, dans le contenant aussi, ou comme eau. C'est-à-dire tu ne peux pas utiliser le reste. Et troisième point, وجوب غسل ما ولغ فيه ولغ فيه سبع مرات. L'obligation de laver sept fois le contenant dans lequel le chien a mis sa langue. Quatrièmement, وجوب استعمال التراب مرة والأولى أن يكون في مع الأولى ليأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يأخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. Donc le cheikh il dit le point numéro 4, c'est l'obligation d'utiliser une fois de la terre. Et c'est mieux que ce soit la première fois, puisque dans les 6 autres fois, tu vas utiliser de l'eau, ça va enlever la terre. Et c'est la 8e fois qui est mentionnée dans l'autre narration. C'est-à-dire la 8e fois, c'est la fois à laquelle tu vas mettre la terre la première fois. C'est pas dans le sens que tu dois le faire une 8e fois, mais dans le sens que c'est la première fois parmi les 7. Voilà, farq. Donc il dit, il n'y a pas de différence que tu mettes la terre dans l'eau, ou l'eau dans la terre, ou la terre mélangée avec de l'eau que tu l'utilises pour laver le contenant. Mais qu'est-ce qui n'est pas correct, c'est que tu frottes seulement, tu frottes seulement l'endroit où il y a de l'impureté avec la terre. Ça, c'est pas suffisant. Il faut que tu mettes l'eau dans le contenant avec la terre, ou bien la terre mélangée avec de l'eau, ou bien tu mets la terre puis après tu mets de l'eau. L'important, c'est ça. Mais pas juste frotter le contenant sur un peu de terre, ça c'est pas suffisant. Il faut vraiment le mettre en dedans et frotter. En dedans du contenant. Oui, c'est ça. Il dit innama qama maqam at-turab min al-munqiyat yu'ti hukmahu fi dhalik li'annahu laysa al-qasd lit-turab wa innama al-qasd an-nadhafa. وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهبه تعيين التراب وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين لأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود قال النووي لا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح قلت وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل بالتراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف. Donc le cheikh il dit que si il y a quelque chose qui peut remplacer la terre parmi les détergents qu'on utilise, parmi les produits qu'on utilise pour nettoyer aujourd'hui, et qu'il peut nettoyer comme la terre, alors on lui donne le même verdict que la terre. Il dit que le but, c'est pas la terre elle-même, mais la propreté. Et ça, c'est la position de Ahmad et de Al-Shafi'i, et c'est la position célèbre de son madhhab. C'est-à-dire la position d'Ahmed et de Shafi'i. Mais la position célèbre de son madhhab, c'est qu'il faut que ce soit spécifiquement de la terre. C'est-à-dire, faut pas que ce soit un savon ou quelque chose d'autre. Il faut que ce soit absolument de la terre. Et Ibn Daqiq al-Aid, il a spécifié que la terre, elle est mentionnée dans le texte de la révélation. Alors, c'est seulement un de ces deux purifiants-là qui peut être utilisé, l'eau ou la terre. On ne peut pas utiliser d'autres. Et donc, sinon, ça rend le texte inutile. Si tu utilises d'autres choses que de la terre, ça rend le texte inutile. Donc, il faut que ce soit absolument avec la terre. Et l'imam, même l'imam al-Nawawi, il a dit spécifiquement que le savon ou d'autres produits comme ça, ça ne peut pas remplacer la terre, selon la position la plus correcte. Et il dit, le cheikh al-Bassam, que dans les recherches scientifiques modernes, on a découvert que la terre arrive à nettoyer l'impureté d'une manière qui ne peut pas être faite par autre que la terre. Et si c'est vrai, cette parole-là, eh bien, ça démontre un miracle parmi les miracles de la législation. Il dit وَلَفْزُ عَفِّرُهُ يُؤَيِّدُ اِخْتِصَاصَ التُّرَابِ لِأَنَّ الْعَفْرُ هُوَ وَجْهُ الْأَرْضِ وَالتُّرَابِ. C'est ça. Donc le cheikh, il dit que la version qui mentionne le verbe عَفِّرُهُ, ça confirme qu'on doit spécifiquement utiliser de la terre, parce que on l'utilise uniquement pour désigner ce qui est sur le dessus de la terre, c'est-à-dire la poussière ou la terre. Donc, Afiruhu, ça confirme. Et le sixième point, Azamatu hadhihi shari'ati al-mutahara, wa annaha tanzilun min hakimin khabir, wa anna mu'addiha salawatullahi alayhi, lam yantiq alil hawa, wa dhalika anna ba'd al-ulama حار في حكمة التطهير منها حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته حتى جاء الطب الحديث باستكشافات ومكبرات فأثبتت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموفقين وويلا للجاحدين. Donc le cheikh, il dit, la grandeur de cette charia purifiée qui est descendue ou révélée d'un sage bien informé, et qui a été transmise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas selon la passion, tout ça, c'est-à-dire que ce hadith confirme la grandeur de l'islam et de la charia. Il dit, parce qu'il y a certains des ulama, quand ils ont vu la sévérité avec laquelle on parle de l'impureté ici dans ce hadith, ils disent, on a vu que c'était une sévérité dans l'ordre de demander de purifier cette fois, et ainsi de suite, une fois avec de la terre. Donc certains ulama ont dit que de le laver ou de le purifier de cette façon-là, c'est uniquement pour une raison qui est reliée à l'adoration. Il n'y a aucune sagesse relative à la raison dans ce verdict-là ou dans cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est pas rationnel, c'est pas quelque chose de logique qu'on peut comprendre logiquement, c'est seulement quelque chose qui est relié à l'adoration. C'est-à-dire, Allah nous a ordonné de le faire juste pour nous tester, comme pour mettre à l'épreuve, pour voir est-ce qu'on va le faire, oui ou non. Mais pas parce qu'il y avait une raison spécifique, logique, qu'on peut comprendre dedans. Et le cheikh, il dit, jusqu'à ce qu'on découvre, yani que dans la médecine moderne, avec les microscopes et tout, il dit, on a découvert que dans la salive des chiens, il y a des microbes et des maladies qui ne peuvent pas être enlevés, excepté, yani qui ne peuvent pas être enlevés avec de l'eau seulement. Il faut quelque chose de plus. Donc il dit, subhanallah, al-alim al-khabir, hein, et félicitations à ceux qui ont eu le succès de croire en ces textes-là, et malheur à ceux qui ont rejeté et renié. Et le cheikh il dit, pour terminer, ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه جرح فيه حرج فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها. Donc ici, ça c'est un point important, c'est que le hadith, il comprend, le cheikh dit que le hadith comprend tous les chiens, mais en ce qui concerne les chiens que la charia nous a permis de prendre, ce qu'on a mentionné, les chiens de chasse, les chiens de garde et les chiens de berger, y a les chiens pour les aveugles ou les chiens de... ceux-là ne sont pas mentionnés dans le hadith, mais ça je ne sais pas, il faudrait demander sur cette question pour avoir une réponse spécifique. Et il dit faqil, hein, parce qu'en général en général dans l'islam, s'il y a un aveugle, c'est un être humain qui va le guider, c'est pas un chien, hein. Mais si peut-être les gens ils n'ont pas trouvé des êtres humains pour les guider, donc ils prennent des animaux. Ouais, c'est ça, ils veulent de l'argent pour ça. Donc, dans l'islam, non, c'est supposé d'être quelqu'un, yani, qui t'aide ou qui te guide. Mais c'est ça. Donc, Allahu a'lam. Peut-être des chiens de police, comme les chiens entraînés, là, pour, oui, c'est ça. Ça, Allahu a'lam, je suis pas au courant des détails là-dessus, qu'est-ce qu'il y a rapport avec ça, je sais pas. Mais le cheikh il dit que ces trois catégories qu'on a mentionnées dans le hadith qui sont permises, le chien de chasse, le chien de garde et le chien de berger, ils ont dit que c'est l'obligation de laver, il y a une difficulté dedans pour ces quatre catégories de chiens-là, donc il y a une permission pour le fait que si tu as cette catégorie de chiens-là, t'es pas obligé de les laver cette fois. T'es pas obligé de laver leur salive cette fois s'ils ont lavé, mangé dans un conteneur. Puisque c'est quelque chose qui est spécifique et particulier. Hein? Wallahu a'lam. Aynam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.